بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc aujourd'hui on va commencer, je ne sais pas combien de cours ça prendra, le tafsir du Qur'an, et on va commencer tout simplement par les 10 dernières sourates pour y aller mollo, hein, parce que les 10 dernières sourates, bon, bah, c'est des sourates que tout le monde y connaît, mais c'est important que le musulman il sache ce qu'ils disent quand il récite le Qur'an et quand il est dans sa prière. Donc pour ce faire, on va lire le tafsir du Cheikh Abdelrahman As-Sa'di rahimahullah. Donc je vous en avais déjà parlé, le tafsir du Cheikh Abdelrahman As-Sa'di, c'est un tafsir simplifié. C'est un tafsir assez simple, il ne rentre pas dans les détails, il ne rentre pas dans les divergences autour de l'interprétation de tel ou tel verset. C'est un livre simple. Mais ça n'empêche pas qu'on va rajouter des informations à ce qu'il y a dans le livre. Donc le but, ce que je vais essayer quand je vais vous faire le tafsir, c'est déjà qu'on comprenne bien, bien sûr qu'on comprenne bien les versets. On va essayer aussi de s'attarder un petit peu à bien comprendre certains mots. Et également, moi, ce qui m'est cher dans le tafsir, c'est de faire le lien entre la sourate et les épisodes de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les épisodes de la sira. Parce que le Coran, il est, c'est-à-dire pour le comprendre, il faut connaître la sira. Et la sira, elle est en grande partie rattachée au Coran. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de versets du Coran qui ont été révélés selon tel ou tel événement. Que ce soit dans l'ère mécoise, avant l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans l'ère médinoise. Et puis aussi en retirer des leçons dans notre comportement, notre mentalité, notre éducation, en quoi tel ou tel verset va nous influencer. Donc on commence par la sourate Al-Fil. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. Donc le premier verset dit « Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil ». Alam tara, en arabe, ça veut dire « n'as-tu pas vu ». Donc « tara », ça veut dire « tu vois ». Si je mets « lam » devant, ça devient « lam tara » et non plus « tara ». Je dis ça pour les francophones, mais ça les intéresse un petit peu et qu'ils comprennent ce qui est écrit. Donc « tara », en arabe, ça veut dire « tu vois ». Si je mets « lam » devant, quand je mets l'âme devant un verbe, ça devient du passé et ça devient aussi négatif. Par exemple, tadhabu, ça veut dire tu vas. Si je dis l'âme tadhab, ça veut dire, donc ça devient au passé et négatif. Tu n'es pas allé. Donc l'âme tara, ça veut dire tu n'as pas vu. Mais avant le l'âme tara, qu'est-ce qu'on entend? A. A, l'âme tara. A en arabe, ça veut dire est-ce que. Alam tara, n'as-tu pas vu? Kaifa, comment? Fa'ala, a fait Rabbuka, ton Seigneur, ton Dieu. Donc Rabb, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, mais on répète. Le nom d'Allah, Ar-Rabb, il signifie trois choses. Si on doit résumer le nom d'Allah, Ar-Rabb, en différents points pour bien comprendre. Ar-Rabb, huwa al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir. C'est ça le Rabb. C'est-à-dire celui qui a créé l'univers, qui dirige l'univers et qui possède l'univers. C'est ça le Rabb. Donc le mot Rabb en arabe, il sous-entend celui qui gère quelque chose, celui qui possède quelque chose. Par exemple, un troupeau de moutons par exemple, l'homme qui les détient, on l'appelle Rabbul Ghanam, le propriétaire des moutons. On dit Rabb en arabe. Donc Rabbul Alamin, celui à qui appartient l'univers tout entier, c'est lui qui le gère, c'est lui qui l'a créé. Donc Rabbuka, Alam tara kayfa fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait avec, ou ce qu'il a fait à ashab al fil. Ashab, c'est le pluriel du mot sahib. Donc sahib en arabe, ça veut dire quelqu'un qui est joint à quelque chose. Si je dis sahibi, c'est mon ami, mon copain, mon compagnon. Mais parfois ça peut être, par exemple, en arabe, le mot sahib, il peut vouloir dire celui qu'on associe à telle ou telle chose. Par exemple, on va appeler un roi, par exemple, parfois quand on lit dans les livres d'histoire, ils nomment un roi et ils disent Sahib al-Habasha, par exemple. C'est comme s'ils disaient celui de l'Éthiopie, dans le sens celui qui était roi d'Éthiopie. Ou alors on dit par exemple Sahibu Had al-Amr. Sahibu Had al-Amr. Al-Amr, ça veut dire une chose, une question, une affaire. Sahibu Had al-Amr, c'est-à-dire celui qui s'occupe de cette affaire ou celui qui est lié à cette affaire. Donc ici, on a le pluriel du mot Sahib, Ashab. Ashab, el-fil. El-fil, ça veut dire l'éléphant. Donc en français, c'est dur à traduire. Les gens de l'éléphant ou ceux de l'éléphant, plus ou moins. En fait, Ashab el-fil, c'est-à-dire ceux qui étaient avec un ou des éléphants. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, en français, ça n'existe pas, en fait, plus ou moins. Ça n'existe pas vraiment. Par exemple, chez les Arabes, voilà, il y avait une armée qui sont venus avec des éléphants. Ben, eux, c'est facile, ils vont les appeler Ashab el-fil. En français, on dirait les gens de l'éléphant, mais en français, ça passe pas. Voilà, mais on est obligé de. Ça va être plus long. En arabe, ça va vite. Ashabul fil. Voilà. Donc, n'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait à Ashab el fil? Alors, en fait, le cheikh, il n'a pas expliqué verset par verset, il a expliqué tout d'un coup. Donc, moi, je vous traduis verset par verset, après, on va lire ce que le cheikh a dit. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Donc, alam. Alam, comme tout à l'heure, yaj'al. Yaj'al, là, le sujet, c'est Allah. Ja'ala en arabe, ça veut dire faire, mettre ou faire devenir quelque chose. Ja'ala, c'est un mot qui est assez vaste. Donc, alam yaj'al kaydahum. El kayd en arabe, ça veut dire le plan, la ruse. Donc là, ça parle de la ruse des gens de l'éléphant, qu'on va expliquer après. Bon, je pense que vous connaissez tous en fait de quoi on parle, mais on le réexpliquera après. Mes filles, elles le savent pas, donc au moins pour elles. Kaydahum. N'a-t-il pas mis leur kayd, donc leur ruse, fi tadlil, en déroute. En fait, tadlil, ça vient du verbe dalla. Dalla, c'est s'égarer. Tadlil, c'est le fait d'égarer quelqu'un. D'égarer, de détourner de sa voie. Ça, tadlil. Donc, tadlil, on l'utilise aussi pour dire égarer les gens. Celui qui trompe les gens. Donc, Allah a mis en déroute leur plan. C'est-à-dire, il a fait que leur plan, il n'a pas réussi. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ أَرْسَلَ ici ça veut dire envoyer et il a envoyé عَلَيْهِمْ sur eux sur les jambes de l'éléphant طَيْرًا donc طَيْر c'est les oiseaux أَبَابِيلَ ils disent que le mot أَبَابِيلَ c'est un mot qui n'a pas de singulier c'est un pluriel sans singulier il y a des mots comme ça en arabe qui n'ont pas de singulier comme le mot par exemple سَرَاوِيلَ Après, on a inventé le mot sirwel, mais en fait, à la base, le mot sarawil, c'est sarawil. Ça se dit comme ça, il n'y a pas de singulier. On est obligé de le prononcer au pluriel. Donc, ils disent que, Wallahu a'lam, ababil, c'est un des mots en arabe qui n'ont pas de singulier. C'est un pluriel qui reste pluriel. Et ils disent ababil, ça veut dire en fait jama'at. Yatba'u ba'duha ba'ba. Des groupes qui se suivent les uns les autres. Donc, le verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Et il a lâché sur eux, ou il a envoyé sur eux des oiseaux en groupe. En groupe nombreux. Donc ce qui revient dans le tafsir de Ababil, c'est-à-dire des groupes nombreux et qui se suivent et se succèdent les uns les autres. Ou alors ils disent également Shatta. Ça va être partout, qui venait de partout. Aussi, une petite faïda, le mot Arsala en arabe, souvent nous on le traduit par envoyer. Mais en fait, Arsala, à la base en arabe, il ne veut pas dire envoyer. Arsala, c'est le contraire de Qayyada. Arsala veut plutôt dire lâcher en arabe. C'est pour ça que, par exemple, c'est un exemple qui me vient par l'esprit, quand on parle de baisser les bras dans la prière, quand on est debout, comme on l'appelle, irsel. Pourtant, mes bras, je ne les envoie pas. Qu'est-ce que je fais? Je les relâche. Ça s'appelle irsel. Donc, arsala, à la base, il veut dire simplement lâcher. Par exemple, si vous, on peut dire en arabe, par exemple, en parlant d'un prisonnier, arsalahu, dans le sens, il l'a relâché. Il ne l'a pas envoyé quelque part. Il l'a simplement relâché. Donc après, le mot, il a été employé pour désigner le fait d'envoyer quelqu'un. Tarmihim. Donc tarmihim, là, le sujet, c'est les oiseaux. Tarmi, rama, c'est jeter quelque chose, lancer. Donc, ou lancer contre quelqu'un. Tarmihim, c'est-à-dire il les bombarde, il leur jette des choses. Tarmihim bihijaratin. Avec quoi il les bombarde, entre guillemets, ou il les lapide. Bi hijaratin, avec des pierres. Min sijil. Min ici veut dire de quel genre sont les pierres. Donc le mot min en arabe, il peut avoir plein de sens. Tu peux dire par exemple min faransa, de la France. Là, ça exprime l'origine. Parfois, min, ça peut vouloir dire quand tu veux dire des exemples. Par exemple, quand si je dis par exemple, comme j'ai dit dans la khutba, al-muslimu ya'malu ma ya'malu min al-ibadat, min al-ibadat, min as-salati wa as-sadaqa wa al-ihsan. C'est-à-dire, par exemple, si je dis le musulman il fait des ibadat, puis on dit min salatin wa sadaqatin wa ihsan. Ça veut dire comme, par exemple, la prière, l'aumône, on dit min. Et min, il peut vouloir dire le, il peut désigner aussi le genre de quelque chose. Par exemple, je dis asa min khashab. Un bâton de bois. Là, min, il ne veut pas dire qu'il vient d'un pays qui s'appelle khashab. Il veut dire qu'il est fait de khashab, de bois. Donc, min hijaratin, min. Bihijaratin min sijil, avec des pierres de sijil qui veut dire ici de la terre, c'est-à-dire de la terre dure, de la terre, ils disent dans le tafsir, tin, la terre cuite. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum, ja'ala ici veut dire sayyara, il les a fait devenir ka'asfin ma'kul. L'asf, c'est zara, c'est-à-dire les feuilles qu'il y a dans les céréales et tout ça, tout ce qui est le. Par exemple, le blé, quand il pousse, bah, il y a des feuilles, tout ce qui est végétal, ça j'ai un peu du mal à l'expliquer, ou bien le bark aussi, les légumes qui poussent par terre, bah, il y a des feuilles et tout ça, et les animaux les mangent. Donc, ka'asfin, al-as, c'est tout ça, ma'koul, qui a été mangé. C'est-à-dire comme quand il est mâché, ou alors certains du tafsir le disent, quand il est mâché et quand ensuite il sort. C'est-à-dire quelque chose en fait d'écrasé, tout simplement. Allah, il les a comparés à quelque chose d'écrasé. Donc, on lit ce que dit le cheikh, après on explique. Hey, Ama ra'ayta min qudratillahi wa azim sha'nihi wa rahmatihi bi'ibadihi wa adillati tawhidihi wa sidqi rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma fa'alahu Allahu bi ashabil fil. Donc, voilà comment il explique le verset. N'as-tu pas vu, c'est-à-dire ô toi Muhammad, n'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? Il veut dire, n'as-tu pas vu la puissance d'Allah, la grandeur d'Allah et la miséricorde d'Allah envers ses créatures et les preuves de l'unicité d'Allah et de la véracité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a fait aux gens de l'éléphant. C'est-à-dire, si Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'as-tu pas vu ce qu'Allah a fait aux gens de l'éléphant? Ben, c'est pas juste pour rappeler ce qu'Allah a fait aux gens de l'éléphant. C'est que dans ce qu'Allah a fait aux gens de l'éléphant, il y a des signes. Quels signes? Le cheikh il dit. Bah, des signes de la puissance d'Allah, des signes de la grandeur d'Allah, des signes de la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'unicité d'Allah, comme on va expliquer par la suite. Ma fa'alahu Allahu bi ashabil fil alladhina kadu baytahum haram wa aradu ikhrabahu. Donc, il y a tous ces signes dans ce qu'Allah a fait aux gens de l'éléphant, ceux qui ont planifié contre son temple sacré, al-Bayt al-Haram, c'est-à-dire la mosquée dans laquelle il y a la Kaaba. Donc ceux qui ont planifié, on comprend que les gens de l'éléphant, c'est des gens qui avaient planifié contre eux la Kaaba, le temple d'Allah qui est sacré, al-Haram. Et ils ont voulu le détruire. Fatajahazu li ajli dhalik. Et ils se sont préparés et équipés pour cela. Tajahaza, c'est le fait de s'équiper, faire ses équipements pour partir, par exemple, dans un combat. Et ils avaient pris avec eux des éléphants pour détruire la Kaaba. Et ils étaient venus avec un groupe, un jama, c'est-à-dire un tel groupe, c'est-à-dire les Arabes, ils pouvaient pas se confronter à ce groupe. Trop fort en fait pour un groupe trop fort pour les Arabes. Min al-Habashati wal-Yaman, de l'Éthiopie et du Yémen. فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى قُرْبِ مَكَّةَ وَلَمْ يَكُنْ بِالْعَرَبِ مُدَافَعًا. Donc quand ils sont arrivés près de la Mecque et que les Arabes n'ont opposé aucune résistance, وَخَرَجَ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْهُمْ, et que les gens de Mecca sont sortis de Mecca par peur de ces gens-là, des Éthiopiens, أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة. Allah leur a envoyé des groupes d'oiseaux متفرقة, c'est-à-dire plusieurs groupes. تحمل حجارة محمرة من سجيل فرمتهم بها, qui portait des pierres cuites, des pierres comme on l'a dit tout à l'heure, faites en terre cuite, et qui les ont ramatum, c'est-à-dire qu'ils les ont lancés, ils ont bombardé entre guillemets, ils ont lapidé ces gens par ces pierres. وتتبعت قاصيهم وقاصيهم ودانيهم, et ils ont suivi, c'est-à-dire les oiseaux, celui qui était proche comme celui qui était loin, c'est-à-dire qu'ils les ont pas, ils les ont entre guillemets pas lâchés. Là où ils fuyaient, ils jetaient les pierres sur eux. فَخَمَدُوا وَهَمَدُوا وَصَارُوا كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Donc ils ont été écrasés et détruits, et ils se sont retrouvés comme de la paille mâchée. وَكَفَ اللَّهُ شَرَّهُمْ. Et donc Allah a débarrassé les gens de leur mal. C'est-à-dire c'est Allah qui a écarté leur mal. وَرَدَّ كَيْدَهُمْ فِي نُحُورِهِمْ. Et il a jeté, donc ça c'est une expression arabe, il a renvoyé leur ruse dans leur gorge. C'est-à-dire que leur plan s'est retourné contre eux. وَقِصَّتُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ. Et leur histoire est bien connue. C'est ce qu'on va expliquer après. وَكَانَتْ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et cette année-là, où s'est produit cet événement, c'est l'année où est né le prophète, صلى الله عليه وسلم. فَصَارَتْ مِنْ جُمْلَةِ إِرْهَاصَاتِ دَعْوَتِهِ. Et donc cet événement est devenu un des événements qui, الإرهاصات, c'est-à-dire les annonces de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa da'wa, wa muqaddimati risalatihi, et c'est comme une introduction à sa da'wa, c'est-à-dire un signe précurseur de son message. Falillahi alhamdu wa shukr. Donc à quelle histoire il fait allusion? C'est le fait que à l'époque de cet événement, le Yémen était sous la domination éthiopienne. Donc le Yémen, c'est un endroit qui est resté souverain pendant longtemps. C'est un endroit qui a toujours été arabe et sous la domination arabe. Mais quelques siècles avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Yémen, il a commencé à subir la domination de deux grandes civilisations de l'époque qui étaient l'Empire perse, dont la religion était Al-Majusiyya, l'adoration du feu, ou ça dépend comment on explique Al-Majusiyya. En tout cas, c'est une religion, on va dire, païenne, idolâtre. Et Al-Habasha. Al-Habasha qui veut dire l'Abyssinie, qui est la région donc d'Afrique, du nord-est de l'Afrique, qui englobe l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, la Somalie, et je ne sais pas si ça englobe le Kenya ou le Soudan, je ne sais pas, mais plus ou moins c'est l'Éthiopie. L'ancien nom de l'Éthiopie, c'est, en français, l'Abyssinie. Donc auparavant, on l'appelait Al-Habasha. En arabe, on l'appelait Al-Habasha. Al-Habasha, dont la langue est proche de l'arabe. Et parfois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait, il employait des mots éthiopiens. C'est-à-dire que c'était deux peuples qui n'avaient pas beaucoup de difficultés à se comprendre. Donc les Éthiopiens, depuis longtemps, ils avaient adopté la religion chrétienne. Et c'était un empire très puissant. C'était une civilisation très forte. Et donc, il est venu un temps où les Éthiopiens ont dominé le Yémen. Et une des choses qui ont appelé les Éthiopiens à envahir le Yémen, c'est l'histoire à laquelle Allah a fait allusion avec Ashab al-Ukhdud dans la sourate al-Buruj. Cette histoire de croyants qui ont été mis dans des fossés et qui ont été brûlés. Et bien, cette histoire, elle s'est passée quelque temps avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est cette histoire? C'est qu'un des rois arabes du Yémen était juif. Quelqu'un pourrait me dire comment arabe juif? Ben, arabe, c'est un peuple, juif, c'est une religion. Donc il y a des arabes au Yémen qui étaient juifs. Jusqu'à maintenant, il y a des arabes au Yémen qui sont de religion juive. On ne peut pas adopter l'islam. Et un des rois du Yémen, il était juif. Et quand la religion d'Aïssa s'est répandue, eh bien, il y a certains Yéménites qui ont adopté la religion d'Aïssa. C'est-à-dire qu'ils adoraient Allah seul, sans ne rien lui associer, mais ils suivaient Aïssa, alayhi salat wa salam. Et le roi juif, il a voulu les contraindre à délaisser le christianisme, mais eux, ils ont résisté, et ils sont restés fermement attachés à la religion d'Aïssa, donc qui était à ce moment-là l'islam. C'est ça la religion véridique à ce moment-là. Et quand ils ont refusé donc de se plier, c'est là qu'il a creuser Al-Ukhdud, dont Allah nous a parlé dans le Coran, et qu'il les a massacrés. Donc ça, pour la parenthèse, ben ça, vous observez que c'est ce genre de persécution, on n'en entend pas beaucoup parler. On entend toujours parler du sens inverse, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le sens du roi juif qui massacre des chrétiens, ça, on n'en entend jamais parler. Comme quoi, c'est bon de lire l'histoire, et que l'islam, il nous montre l'histoire dans son sens large. C'est pas dirigé seulement dans une direction. Donc, quand le roi éthiopien, il a entendu ça, qui était un roi très puissant, eh bien, les Éthiopiens, ils ont décidé d'envahir le Yémen. Ils ont envahi les Arabes du Yémen, et ils les ont écrasés, ils les ont humiliés. Donc, les Arabes du Yémen, une partie du Yémen, c'est pas tout le Yémen, mais une grande partie du Yémen était sous la domination des Éthiopiens. Et donc, le roi d'Éthiopie, qu'on appelait An-Najashi, c'est-à-dire le titre du roi éthiopien, c'était An-Najashi. C'est pas un nom, c'est un titre. Comme auparavant, les empereurs égyptiens, on les appelait tous Pharaon. L'empereur perse, on l'appelait à chaque fois Kisra. Eh bien, l'empereur d'Éthiopie, il s'appelait An-Najashi. Donc, par exemple, An-Najashi qui est entré dans l'islam, il s'appelait pas An-Najashi. An-Najashi, c'est un nom. Mais lui, c'est un titre, mais lui, il avait un prénom. Donc An-Najashi, il avait un représentant en Éthiopie, c'est pas lui qui était en Éthiopie. Donc en Éthiopie, il y avait comme un ministre, si vous voulez, ou comme un roi éthiopien, qui était au service du roi, qui était lui en Éthiopie. Et un de ses rois, ou un de ses ministres plutôt, un des représentants de l'empire éthiopien au Yémen, il s'appelait Abraha, Abrahatu, avec ta marbouta à la fin. Et c'est lui qui est dans l'histoire de Ashab al-Fil. Déjà, moi je voulais faire une parenthèse, c'est que, ça c'est d'un point de vue historique, mais ça c'est bon pour notre culture. C'est pour montrer un peu que certaines personnes, comme Sarkozy, quand ils disent que l'Afrique elle n'est pas encore entrée dans l'histoire, bah ça c'est un point de vue typiquement blanc occidental, qui croit que l'Occident ça existe depuis 200 ans et puis il n'y a jamais rien eu avant. Et que sans eux, rien n'est possible. Alors que si on regarde l'histoire plus largement, on voit que tout ça, c'est quelqu'un qui voit comme ça, et qui voit que son nombril. Mais si on lit vraiment l'histoire, et si on lit l'histoire à travers l'islam, parce que l'histoire à travers l'islam, elle est objective, elle ne sert pas à défendre une race ou une autre. On voit que l'Empire éthiopien, donc c'était des Africains, et pourtant c'était une des grandes civilisations et très puissante. Et les Arabes eux-mêmes, ils ne pouvaient rien faire contre eux. Quand ils sont venus envahir le Yémen, ben ils n'ont pas su résister. Donc il y avait les Perses qui étaient une grande puissance, Rome qui était une grande puissance, mais il y avait aussi les Byzantins. Et plus tard, il y aura, je ne sais pas si ça existe à ce moment-là, je ne sais pas trop le situer dans le temps, mais il y aura l'Empire du Mali. L'Empire du Mali, ça serait bien de leur rappeler que ça existait. C'était un des empires qui était extrêmement puissant sur Terre. Et ils sont entrés dans l'islam. Les empires du Mali, ensuite, ils sont entrés dans l'islam. Et quand l'empereur du Mali faisait le pèlerinage, c'était un événement, parce qu'avec lui, il ramenait des tas de gens, des tas de soldats, des tonnes et des tonnes d'or, parce qu'à l'époque, ils pouvaient l'exploiter pour eux. Et c'est pas les autres qui l'exploitaient pour le ramener dans leur pays, et pour laisser des miettes aux gens qui habitent là, comme c'est le cas maintenant. Donc, ils font rire quand ils disent « Ouais, l'Afrique n'avait pas entré dans l'histoire. » Imagine. Je sais pas quelle histoire il a lu. Mais ça, c'est vraiment... C'est vraiment malhonnête de dire des phrases comme ça, mais le pire, c'est que ces gens-là, ils y croient. Ça, c'est la domination, on va dire, culturelle, et le fait de regarder que son nombril. Donc on voit, nous, à travers l'histoire de l'islam, que ça, bah, c'est faux. Les grandes civilisations, il y en a eu dans tous les continents, et il y en avait une grande dans le continent africain qui était l'Abyssinie, le royaume d'Abyssinie. Donc, le point de départ de l'histoire avec Abraha, qu'est-ce que c'est? C'est que Abraha, il a voulu construire au Yémen une grande église, on va dire une cathédrale, quelque chose de magnifique. Et son but, c'était, bien sûr, comme toutes les civilisations, ben, de glorifier la civilisation éthiopienne, et c'était aussi de détourner les Arabes du pèlerinage qu'ils faisaient à la Mecque. Pourquoi ? Parce que, bien avant, comme vous le savez, les Arabes faisaient le pèlerinage à la Mecque, déjà avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils adoraient des statues, ils faisaient aussi le pèlerinage à la Mecque. D'ailleurs, ils allaient à la Mecque pour adorer leurs statues. D'où est-ce qu'ils connaissaient le pèlerinage à la Mecque ? Ils le connaissaient depuis Ibrahim et Ismaïl, alayhima as-salatu was-salam, puisque c'est Ibrahim à qui Allah a dit wa adhin fin-nas bil-hajj, quand Allah a ordonné à Ibrahim. Donc Ibrahim, il le date plusieurs millénaires avant Isa. C'est plusieurs milliers d'années avant Isa, alayhi salatu was-salam. Quand Allah lui a ordonné de construire la Kaaba, et ensuite il lui a dit wa adhin fin-nas bil-hajj. Donc ça, c'était un appel mondial, c'était pas restreint aux gens de la péninsule arabique. Ibrahim a appelé le monde entier à faire le Hajj. Donc le Hajj était connu depuis l'époque d'Ibrahim, mais par la suite, ceux qui se sont attachés et qui ont gardé ça, c'était les Arabes. Malheureusement, les Arabes, au bout de plusieurs siècles, ils ont mélangé la religion d'Ibrahim, qui était le monothéisme, Tawhid, à l'adoration des idoles. Des idoles, des statues, qu'ils inventaient, qui pouvaient représenter parfois des prophètes, parfois qui représentaient des hommes pieux, comme les idoles du peuple de Nour, que Shaitan avait fait revivre à l'époque des Arabes. Parfois ça représentait les anges, parfois ça représentait, il y en a qui adoraient Issa et Mariam. Dans la Jahiliya des Arabes, sans être chrétien, il y en a qui adoraient Issa et Mariam, ou alors ils adoraient des statues, des grottes, des pierres, ou des diables, etc., etc. Tout ça pour les prendre comme intermédiaire entre eux et Allah. C'est-à-dire, au-dessus de tout ça, ils croyaient en Allah. Et ils savaient qu'Allah, c'est lui, le Seigneur, c'est lui le Créateur. Mais ils adoraient ces idoles pour qu'ils les rapprochent d'Allah et pour les prendre comme intermédiaire entre eux et Allah. Donc c'est ainsi que le shirk s'est mélangé à la religion d'Ibrahim et que c'est devenu la religion de presque tous les Arabes. Donc à l'époque d'Abraha, les Arabes étaient dans cette situation. Et l'époque d'Abraha, c'est l'époque de Abdel Muttalib, le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes avaient comme lieu de référence Mecca, avec la Kaaba construite par Ibrahim, et c'était leur lieu de pèlerinage. C'est-à-dire qu'ils n'allaient ni au Yémen, ni ailleurs, ils allaient à Mecca pour adorer Allah, mais aussi malheureusement pour adorer leurs idoles. Donc quand Abraha il a construit cette grande cathédrale, et que les gens ont su, puisqu'il l'a dit que c'était pour détourner les Arabes, les faire venir vers cette cathédrale au lieu d'aller vers la Kaaba, un Arabe a voulu humilier sa cathédrale. Un Arabe du Yémen, ou je ne sais plus de quel, non pas du Yémen, je ne sais plus de quelle tribu, il a fait exprès d'aller jusqu'à cette cathédrale et il a fait ses besoins de là. Wallahu a'lam, c'est ce qui est rapporté dans l'histoire. Pour humilier cette cathédrale. Donc quand Abraha a vu ça, il a décidé de détruire la Kaaba. Il y a un autre événement aussi qui a motivé Abraha, c'est qu'il avait envoyé un Yéménite qui était soumis à son ordre pour essayer de prêcher un peu les Arabes à venir à cette cathédrale. Et quand il est arrivé dans la tribu de Kinana, ils l'ont tué. Et donc ces deux événements, ça a fait qu'il s'est décidé à détruire la Kaaba. Donc il a réuni une grosse armée, et une grosse armée qui avait avec eux des éléphants. Et les Arabes, ils ont essayé de réagir. C'est-à-dire que les Arabes, donc ils ont su ça, et il y a différentes tribus arabes qui ont essayé de se regrouper, mais à chaque fois qu'ils se sont opposés, il y a eu des batailles, et ils ont été complètement décimés. Donc quand ils sont arrivés près de la Mecque, Abraha, il a demandé, parce qu'Abraha, le roi, le ministre du roi, il était dans cette armée. Il a fait le déplacement du Yémen jusqu'à la Kaaba pour détruire la Kaaba et que lui soit là quand il la détruit. Et quand ils sont arrivés près de la Mecque, lui, il a envoyé ses armées dans la Mecque et ses armées, ils ont pris du butin. Et parmi le butin qu'ils ont pris, ils ont pris 200 chameaux qui appartenaient à Abdul Muttalib. Un peu de généalogie, donc Abdul Muttalib, c'est qui son père? Le piège. Muttalib. Non. Alors pourquoi Abdel Muttalib il s'appelait Abdel Muttalib? En fait, c'est pas son prénom Abdel Muttalib, c'est son surnom. Son prénom, j'ai oublié, parce que c'est difficile déjà de retenir les surnoms qu'ils avaient. Des fois, le nom, il était pas très connu. Mais si je me trompe pas, Abdel Muttalib il s'appelait Shaiba. En fait, pourquoi il l'a appelé Abdel Muttalib? Son oncle, c'était Al Muttalib. Son oncle, c'était Al Muttalib. Donc le frère de qui? Al-Muttalib de Hashim. Voilà, Hashim c'était le père de Abdelmuttalib. C'est connu quand on dit Bani Hashim, le clan du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, Abdelmuttalib, quand il est né, sa mère, elle l'a pris à Médine. Et il a grandi à Médine, c'est-à-dire qu'il était loin de Quraysh. Et ils ont été jusqu'à ignorer son existence. C'est-à-dire qu'ils ignoraient son existence. Plus tard, Al-Muttalib, le frère de Hashim, il a su qu'il existait, ce neveu, et il a demandé à sa mère de le laisser avec lui. Et il l'a ramené avec lui à la Mecque et il l'a honoré. Et Abd al-Muttalib, c'est devenu la grande figure de la Mecque. C'est-à-dire le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est devenu la grande figure de le grand noble, le grand chef de Mecca. C'était lui le grand chef de Mecca. Donc ça, c'est Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont volé donc 200 chameaux. Et Abraha, avec lui, bien sûr, il avait des Arabes du Yémen, qu'il avait, ou alors des Arabes qu'il avait fait prisonniers sur la route, et il leur a demandé qui est le... En gros, c'est qui le chef là-bas? C'est qui le noble de Mecca? Le Seyyid. Donc les gens de Mecca, ils n'avaient pas de... À la Mecque, il n'y avait pas de président. C'est-à-dire le gouvernement de Mecca, l'organisation politique de Mecca, c'était quelque chose d'étonnant. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de chef. Mais en fait, c'était des nobles, des gens qui étaient, c'était juste par respect. Et chaque, avec différents clans, Banu Hashim, etc. Et donc certains, ils sortaient du lot. Mais on lui a dit, donc le plus noble, c'est un homme qui s'appelle Abd al-Muttalib. C'est quelqu'un qui est très généreux, qui honore les pèlerins. Voilà, c'est lui le noble et le chef de cette cité. Donc Abraha, il a fait convoquer Abd al-Muttalib. Donc un arabe qui était avec lui est parti à la Mecque et il a dit à Abd al-Muttalib, voilà le roi, il veut, le ministre plus ou moins, il veut te voir. Donc quand il est venu, on raconte, hein, Allahu A'lam, les riwayat elles racontent comme ça, que Abraha, il a eu du respect pour Abd al-Muttalib. C'est-à-dire que les rois éthiopiens, ils étaient connus pour être, ils n'étaient pas comme par exemple les Perses ou les Byzantins. C'était quand même des gens, ils étaient beaucoup plus humains, ils étaient plus cléments et dans le rapport avec les gens, ils étaient moins tyranniques. Et c'est peut-être aussi leur religion qui a eu cet effet sur eux. Donc quand Abd al-Muttalib est rentré, Abraha, il est descendu de son siège et il s'est assis par terre avec lui. Et il l'a respecté, parce qu'il avait entendu donc qu'il était généreux avec les pauvres, etc. Et donc il a dit à Abd al-Muttalib, qu'est-ce que tu me demandes, qu'est-ce que tu veux? Et Abd al-Muttalib lui a dit, moi je veux récupérer les 200 chameaux que ton armée m'a pris. Et là, Abraha lui a dit, là tu n'as plus d'estime à mes yeux. Il lui a dit, je te respectais quand je t'ai vu, mais je croyais que tu allais me parler de ce temple qui est ta religion, la religion de tes ancêtres, et que je vais détruire, et tu me parles de 200 chameaux. Et c'est là que Abd al-Muttalib lui a répondu, la phrase qui est bien connue, lui a dit, Inna lil ibili, ana rabbul ibil, wa inna lil bayti rabban yahmi. Il lui a dit, les chameaux, c'est moi leur rab, c'est moi leur propriétaire. Et le temple, il a un rab, c'est entre toi et lui. C'est lui qui protégera ce temple. Et Abraha lui a répondu, laysa bimani'i, c'est-à-dire il ne va pas m'en empêcher. Et Abd al-Muttalib lui a dit, ala baynaka wa baynahu. Il a dit, ça c'est entre toi et lui, mais moi rends-moi mes 200 chameaux. Donc Abraha lui a rendu ses 200 chameaux, il l'a laissé partir. Donc les gens de Mecca, ils voyaient bien qu'ils ne pouvaient rien faire. Mecca c'était pas une puissance militaire, ils n'étaient pas très forts au niveau de la guerre, ils n'étaient pas très nombreux. Ils voyaient bien qu'ils ne pouvaient pas résister à cette armée, et donc ils ont, Abd al-Muttalib leur a donné l'ordre de partir, de fuir. Et ils sont montés dans les vallées, dans les chi'ab comme on dit, c'est-à-dire les chemins entre les montagnes et tout ça. Et ils attendaient, et ils regardaient ce qui va se passer. Et l'histoire, elle raconte que, quand ils ont avancé, au bout d'un moment, les éléphants, ils ont refusé d'avancer vers la Kaaba. Et quand ils les tournaient vers le Yémen, ils couraient. Mais une fois qu'ils retournaient vers la Kaaba, ils s'arrêtaient. Et c'est là qu'Allah a envoyé, et c'est là, c'est ce que dit la sourate, « Tayran Ababil », c'est-à-dire des armées d'oiseaux qui les ont littéralement bombardés de toutes petites pierres. Et qui les a réduits en poussière. Mais également, l'histoire, elle précise que les oiseaux, c'est-à-dire les gens, les Éthiopiens, ne sont pas tous morts. Certains d'entre eux ont été épargnés. Et là, ils se sont sauvés, ils se sont dispersés. Et ça, c'est une hikmah d'Allah pour qu'ils puissent justement raconter ça et témoigner. Et ça, c'est peut-être une des choses, Wallahu a'lam, qui a fait que quand le Al-Najashi, à l'époque mécoise, quand les musulmans ils ont émigré chez lui, donc bien sûr, c'est un autre Najashi. Mais forcément, l'autre Najashi qui va venir après, il connaît cette histoire. L'histoire de Al-Fil, elle est devenue connue chez tous les Arabes et chez les Éthiopiens. C'est peut-être ça qui a fait qu'il s'est converti littéralement, plus ou moins facilement. L'empereur d'Éthiopie s'est converti à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, assez facilement. Et il a honoré les musulmans. Pourquoi? Parce que l'histoire des éléphants, elle n'était pas loin de son esprit. Et également, les gens du Yémen, ça peut être un des critères qui a fait que les gens du Yémen, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la contrée qui a été connue pour se convertir facilement, c'était le Yémen. Les gens du Yémen, chefs et citoyens, ils se convertissaient parfois juste sur l'envoi d'un messager. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur envoyait un ambassadeur, il leur expliquait l'islam, et au lieu de dire comme toutes les autres tribus, non, nous, ça sera la guerre ou rien, ils entraient dans l'islam et ils se soumettaient à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui était très rare. Mais les gens du Yémen, c'était eux principalement qui se convertissaient de cette façon. Donc voilà l'histoire de El-Fil. Et on rapporte aussi que Abdel Muttalib, avant que les gens de Mecca se sauvent dans les montagnes, il a prononcé beaucoup d'invocations. Il est allé à la Kaaba et il a longuement prié Allah, sans prier les idoles, de défendre la Kaaba. Et en fait, Allah a exaucé donc l'invocation de Abdel Muttalib. Si on y réfléchit, cette histoire, elle ne peut pas être fausse. C'est-à-dire, nous, on y croit parce que, alhamdoulilah, on croit au Coran, on sait que c'est la parole d'Allah. Mais si demain tu lis cette sourate à un athée, il va te dire voilà, ça c'est des contes. Voilà, c'est des contes de fées, c'est des histoires et tout ça. Mais quand on y réfléchit, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que, comme le cheikh Saadi l'a dit, rahimahullah, et ça, la majeure partie des savants de la Sira, ils disent que l'année de l'événement de l'éléphant, c'est l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou une année avant. C'est-à-dire c'est soit l'année avant ou soit l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, avant, les Arabes, donc, comme vous le savez, ils n'avaient pas de calendrier et ils ne comptaient pas les années. Ils comptaient les années par rapport à des événements. Et les événements, souvent, c'était des batailles. Et un des événements par rapport auquel ils se repéraient dans le temps, c'était Amul Fil. Donc déjà ça prouve que c'est vrai l'histoire. Quand il disait un tel est né Amul Fil, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose avec l'éléphant. Deuxième chose, si on y réfléchit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu prophète à 40 ans. Il a commencé la da'wa extérieurement à 43 ans. Jusqu'à 43 ans, c'était juste les gens en qui il avait confiance. Et au bout de 3 ans, c'est devenu public. Donc, on va dire plus ou moins, 43 ans après cet événement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette sourate lui est révélée, et il la récite ouvertement aux gens. Et les gens, la plupart d'entre eux, ils y croient ou ils y croient pas? Pas à la sourate, mais au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'y croient pas. La plupart des gens de Mecca reniaient le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et étaient ses ennemis. Et on sait que ils utilisaient tous les arguments possibles pour essayer de trouver des failles dans son message, dans sa da'wah, etc. Ben, si l'histoire était fausse, ben, tout simplement, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit, eh ben, on était là, nous, il y a 40 ans, on n'a jamais vu cette histoire. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc l'histoire, elle ne peut pas être fausse, c'est impossible. Comment il aurait pu dire une sourate qui raconte cette histoire à des gens qui étaient là avant lui? Il y en a même beaucoup qui étaient avant lui. Il y en a qui avaient 60 ans, qui avaient 70 ans, donc ils avaient 20 ou 30 ans, ou 40 ans, à cette époque-là. Donc il ne va pas leur raconter une histoire, et tous ils vont lui dire, bah, t'es fou, on était là. Voilà. Ça prouve que c'est vrai. Parce que lui et ses ennemis, tous ils ont reconnu cette histoire. Et ce n'était pas un sujet de débat. Donc ça prouve que ça, c'est un événement historique qu'on ne peut pas remettre en question en vérité. Et si c'est un événement historique qu'on ne peut pas remettre en question, eh bien quelqu'un par exemple qui ne croit pas, eh bien, ça doit l'appeler à réfléchir. C'est un argument qu'on peut utiliser avec lui en lui disant, regarde, cette Kaaba, Allah l'a défendue avec tel et tel événement. Ça doit te faire réfléchir. Donc ça, c'était, comme l'a dit le cheikh, un des événements qui a annoncé la naissance, la risala, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ça s'est produit l'année de sa naissance. Donc Allah, par sa hikma, par sa sagesse, a fait que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des irhasat, c'est-à-dire des prémices. Et dans la sira, les historiens, ils rapportent plusieurs prémices. Par exemple, le fait que, ça c'est des choses qui ne sont pas, c'est pas du Sahih al-Bukhari. D'accord, parfois quand on rapporte des choses de l'histoire ou de la sira, voilà, c'est des choses qui se rapportent. Maintenant, est-ce qu'on peut jurer à 100% que c'est vrai? Allahu a'lam. Mais il est rapporté que, par exemple, le feu des Majus, il s'est éteint l'année de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors que certaines églises, elles s'écroulaient l'année de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en tout cas, parmi ces signes, celui qui est sûr et certain, c'est celui-là, parce qu'il est cité dans le Coran. Et une des choses, la ta'if dans cette histoire, c'est que quand on y réfléchit, qui était plus proche de la religion d'Allah à ce moment-là, les Éthiopiens ou les gens de Mecca? Les Éthiopiens. Et pourtant, Allah les a détruits pour défendre son temple. Parce que malgré tout, ils étaient fautifs d'avoir manqué de respect à ce temple qui a été construit par Ibrahim. Parce qu'ils le savaient, ça. Que les Arabes disaient que ce temple a été construit par Ibrahim. Mais eux, dans leur orgueil, eh bien, ils ont renié ça, ou alors ils l'ont négligé. C'est ça qui leur a valu ce châtiment, dont Allah a fait un signe. Voilà plus ou moins ce qu'on peut dire pour cette sourate. On fait la sourate suivante, Inch'Allah, sourate Quraysh. Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraysh, ilafihim rihlat al-shita'i wa-s-sayf. Donc la sourate dit, li'ilafi Quraysh. Ilaf, ça veut dire le al-jama, le regroupement. Ilaf Quraysh, donc le regroupement de Quraysh. Mais le problème ici, c'est qu'il y a un mot avant tout ça, li. Li, ilafi Quraysh. Pour le regroupement, li, ça veut dire plus ou moins pour, ou à cause de, ou en raison de. Donc en raison du regroupement de Quraysh. Comme s'il y avait quelque chose qui était dit avant. Et bien en fait, les savants du tafsir, pour la plupart, ils disent que le premier verset de la sourate Quraysh, elle est reliée à la sourate d'avant. Comme si Allah disait, tout ce que nous avons fait aux gens de l'éléphant, nous l'avons fait, il a fait Quraysh, pour le regroupement de Quraysh. C'est-à-dire pour, comme on va le voir par la suite, pour que Quraysh soit honoré et qu'il vive dans la sécurité, etc. etc. On va le mieux comprendre après. Donc, l'ilaf et Quraysh, pour le regroupement de Quraysh. Donc, c'est quoi Quraysh? Quraysh, c'est une tribu. Quraysh, c'est une tribu. Et ça vient d'un surnom. Quraysh, encore une fois, c'est pas un prénom. Parce qu'il faut savoir que les noms des tribus en arabe, quand on dit par exemple Tamim, Kinana, Tay, Juhayna, ça c'est des noms, c'est des prénoms en fait. Quand on dit Juhayna, c'est parce qu'ils ont un ancêtre qui s'appelait Juhayna. Quand on dit Tayi, c'est parce qu'ils avaient un ancêtre qui s'appelait Tayi. Si on dit Hamadan, c'est parce qu'ils avaient un ancêtre qui s'appelait Hamadan. Donc si on dit la tribu de Quraysh, c'est par rapport à un homme qui s'appelait Quraysh. Et en fait, il ne s'appelait pas Quraysh, il s'appelait, Wallahu A'lam, Fihr. Mais on l'a surnommé Quraysh. Pourquoi Quraysh? Wallahu A'lam, c'était, en fait, Quraysh, c'est un nom de, c'est un peu étonnant, c'est un nom de poisson. Quraysh. Quraysh ou Qarsh, je ne sais pas, à mon avis, Quraysh, c'est le tasrir de Qarsh. Qarsh. Comme le requin, ou quelque chose comme ça, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, une fois, il en avait, dans un voyage, il avait pêché ou trouvé ce poisson, il l'avait ramené à Mecca et les gens, c'était pas tous les jours qu'ils voyaient ça. Et donc, ils l'ont surnommé Quraysh, petit Qirsh, c'est-à-dire un petit requin, si c'est bien le requin. Donc, c'était Fihr. Son prénom, c'était Fihr. Et donc, Quraysh, c'était une tribu qui descend d'Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Et la tribu de Quraysh, donc c'est la tribu du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et chez les Arabes, avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tribu de Quraysh est la tribu la plus noble et la plus respectée. Pourquoi? Parce que c'est Ahlul Haram. Ahlul Bayt, c'est les gens du temple. C'est eux qui s'occupent du temple sacré de Mecca. Et le temple sacré de Mecca, c'est le temple qui est visé et vers lequel se tourne le regard de tous les Arabes. Donc ces gens, les gens qui l'occupent, les gens qui s'en occupent, eh bien forcément c'est les plus nobles et c'est les plus respectés. C'est ça qui leur a donné cette grandeur et cette valeur. Sachant que avant Quraysh, c'est-à-dire que Quraysh s'est occupé de la Kaaba peu de temps avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un peu plus de 100 ans ou 150 ans. Et avant ça, c'était, si je ne me trompe pas, bon, parce que les noms de tribus, ce n'est pas toujours facile. Pendant des siècles et des siècles, ça a été Khouza'a. Et donc ça a été Djurhum. Djurhum, c'est la tribu. Donc vous connaissez l'histoire avec Hajar. Hajar, quand elle a découvert le puits de Zemzem, elle était avec Ismaïl. Donc le mec, ça n'existait pas. Et là, il y a la tribu de Djurhum, qui était de Qahtan, c'est-à-dire du Yémen, qui est venue, ils se sont installés. Et le petit Ismaïl, le fils d'Ibrahim, a grandi avec la tribu de Djurhum. Et il s'est arabisé. Puisque Ismaïl, il n'était pas arabe, il était le fils d'Ibrahim. Ibrahim n'était pas arabe. Sa mère, on dit qu'elle était, Hajar, on dit qu'elle était arabe. Mais lui, Ismaïl, son père, Ibrahim, c'était quelqu'un de l'Irak. Il n'était pas arabe. Donc tous descendent de Sem, ce qu'on appelle en français les Sémites, mais ils n'étaient pas arabes. Mais Ismaïl, il s'est arabisé. C'est pour ça que les descendants d'Ismaïl, on les appelle Al-Arab, Al-Musta'araboun, les Arabes arabisés. Ou Musta'ariboun, je ne sais plus comment on dit. Les Arabes arabisés. Donc Ismaïl a grandi avec la tribu de Djurhum, il a appris l'arabe et il est devenu comme un arabe. Et donc plus tard, c'est la tribu de Djurhum, c'est la tribu de cette tribu-là qui s'est occupée de la Mecque pendant longtemps. Et plus tard, ils se sont fait expulser et c'est la tribu de Khouza'a qui s'est occupée de la Mecque pendant longtemps. Et plus tard, la pulsion d'un homme qui s'appelait Qusay ibn Kilab, qui était l'ancêtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est lui-même un descendant de Quraysh, de Fihr. Ce Qusay ibn Kilab, il a repris la Mecque. Mais il y a plusieurs versions sur la façon dont il a repris la Mecque à Khouza'a. On dit que, wallahu a'lam, le chef de Khouza'a, dont j'ai oublié le nom, il a marié sa fille à Qusay. Et donc il lui a dit, après moi, c'est toi qui t'occupes du haram. Donc toi et ta tribu. Et que donc le fait de s'occuper du haram s'est déplacé de la tribu de Khouza'a à la tribu de Quraysh. Ou alors on dit aussi que c'était plutôt par la force, qu'il y a eu une rivalité. Mais il n'y a pas eu une grande guerre et un grand massacre. Mais il y a eu de la rivalité et Quraysh ont repris dessus sur Khouza'a. Et c'est eux qui sont devenus les gens du haram. Et donc Qusay ibn Kilab, quand il est. Donc Qusay, pour vous situer un peu, son fils c'est qui, Qusay? Le fils de Qusay c'est Abdou. Hein? Ouais, mais son fils c'est qui? Son fils direct. Non, Abdou Manaf. Voilà. Qusay il a eu Abdou Manaf et Abdou Dar. Voilà, quand on dit, ben, vous écoutez parfois, ben, peut-être vous regardez les Mousselsalat, ils disent Banu Abdi Manaf dans les films sur le Quraysh ou tout ça, films d'histoire, ils disent Banu Abdi Manaf. Banu Abdi Manaf, c'est Abdou Manaf, son père c'est Qusay, c'est le héros de Quraysh, c'est le roi de Quraysh, celui qui a repris la Mecque. Et donc Qusay, quand il a repris Mecca, Quraysh à ce moment-là, ils n'étaient pas en Mecca, ils étaient dans les alentours, c'était comme des bédouins. Quand il a repris la Mecque, donc il est venu et il a installé Quraysh dans la Mecque. Il leur a attribué des quartiers. Et c'est comme ça que Quraysh sont redevenus les gens qui s'occupent du haram. Et quand donc ils ont repris la Mecque, après ils se sont distribués également les tâches. C'est quoi les tâches? C'est que par exemple, il y a le fait de s'occuper de Al-Kiswa, c'est-à-dire le drap qui recouvre la Kaaba. Il y a également Al-Rifada. Al-Rifada, c'est le fait de nourrir les pèlerins. Donc tout ça, c'est Quraysh qui s'en occupait. C'est eux qui s'en chargeaient à leur propre, c'est-à-dire de leur propre bien, de leur propre sous. Al-Wifada, etc. Il y avait plusieurs tâches, par exemple le fait de posséder les clés de la Kaaba. Il y avait également Al-Siqaya, le fait d'abreuver les pèlerins. Par exemple, ils préparaient l'eau le jour de Mina, et c'est eux qui s'occupaient de donner à manger à tous les pèlerins. Ben, tout ça, c'est Quraysh qui s'en occupait. Donc, c'est pour ça qu'ils sont devenus si nobles. Parce que pour tous les Ahad, ben, c'est eux les gens du Haram. C'est eux qui s'occupent de la Kaaba, c'est eux qui nourrissent les pèlerins, c'est eux qui abreuvent les pèlerins, c'est eux qui nourrissent les pauvres. Donc Quraysh, c'est comme ça qu'ils ont eu cette grande réputation et cette grande noblesse, et qu'ils étaient la tribu la plus noble des Arabes, la plus respectée. Donc l'ilafi Quraysh, ilafihim rihlata shita wa saif. Le regroupement, rihlata, c'est-à-dire lors du voyage de l'hiver, shita, et de l'été. À quoi fait allusion ce verset? C'est que Quraysh, ils avaient deux grandes rihla, deux grands voyages. Un en hiver qui était en direction du Yémen, et un en été qui était en direction du Cham, la Syrie. Et c'était pour le commerce. Donc Quraysh, ce n'étaient pas des artisans. Ils ne connaissaient pas les métiers. Ce n'étaient pas des agriculteurs. C'était que du commerce. Et c'était des gens qui étaient devenus riches et puissants grâce au commerce. Et ils avaient deux grands voyages de commerce, un vers le Yémen en hiver et un vers le Chem en été. Fali'aboudou Rabb hadha al-bayt. Fa, le fa ici, il indique une suite. Fal-ya'boudou, le L que vous entendez, c'est pour dire un ordre. Et ya'boudou, ça veut dire ils adorent. Donc fal-ya'boudou, ça veut dire qu'ils adorent donc. Donc le fa, c'est ce qu'on va dire en français le donc. Donc il faut qu'ils adorent. C'est juste le mot, la lettre fa. Et le L, fal, le L, ça veut dire que ça devient un verbe à l'impératif, un ordre. Qu'ils adorent. Rabb hadha al-bayt, le Dieu de cette. Al-bayt ici, ça veut dire le temple, c'est-à-dire la Kaaba. Al-bayt ici, c'est la Kaaba qui a été construite par Ibrahim. Le Dieu de ce temple, c'est-à-dire Allah, celui qui a ordonné la construction de ce temple. Fali'aboudou, al-ibada, qu'est-ce que c'est? C'est ta'a. Al-ibada, c'est le fait d'obéir, de se soumettre. Donc ici, en l'occurrence, à Allah, de prier Allah, de se tourner vers lui, de se soumettre à lui. Alladhi at'amahum. Alladhi, ça veut dire celui qui. At'amahum. At'ama, ça veut dire qui a donné à manger, qui les a nourris. Hum, c'est-à-dire qui les a nourris, Quraysh. Minjoua. Min. Ici, ça veut dire. Voilà. Aljoua, c'est la faim. Il les a nourris après qu'ils aient eu contre la faim. Après la faim. C'est-à-dire que il les a mis à l'abri de la faim en leur donnant à manger. Wa amanahum. Amana, ça, donc d'habitude, amana rasoul par exemple, ça veut dire croire. Mais amana, ça peut vouloir dire aussi mettre quelqu'un dans l'âme. Et l'âme, qu'est-ce que c'est? La sécurité, la sûreté, la paix. Donc amanahum, ça veut dire il l'a mis à l'abri. Il l'a mis en paix. Min khawf. Donc wa amanahum, et il leur a assuré la paix, la sécurité. Min khawf, contre eux. La peur, c'est-à-dire il les a mis à l'abri de la peur. Donc, on a expliqué un peu les versets. On lit ce que le cheikh a dit. قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالصورة التي قبلها. الجار والمجرور, الجار c'est لي, المجرور c'est إلاف. متعلق بالصورة التي قبلها. أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. Donc il a bien expliqué. Il a dit, en fait, l'ilafi, c'est relié à la sourate d'avant. Donc c'est comme si le verset voulait dire, nous avons fait ce que nous avons fait aux gens de l'éléphant pour Quraysh, pour la sécurité de la tribu de Quraysh, wastiqamati masalihim. C'est-à-dire que pour toutes leurs affaires marchent bien. Le masalih, c'est-à-dire les intérêts de Quraysh. Wastiqama, c'est que ça marche droit. C'est-à-dire pour que tout aille bien pour Quraysh. Wantiram irihlatihim. Et pour que leur voyage puisse bien fonctionner en hiver au Yémen et en été au Chem. Pour les ajli at-tijarati wal-makasib. Pour le commerce et al-makasib, les bénéfices. Donc c'est comme si Allah disait que nous avons fait ça pour défendre Quraysh et pour leur assurer leur sécurité et assurer leur sécurité quand ils vont au Yémen et quand ils vont au Chem. Donc ici il faut expliquer une chose, c'est que comment ça se fait que Quraysh ils avaient cette sécurité. Donc justement, parce qu'Allah les a honorés avec le haram. Et parce que quand il les a défendus contre les gens de l'éléphant, ben ça leur a encore plus donné du respect dans le cœur des Arabes. Pourquoi? Parce que en dehors de Mecca, la péninsule arabique, qu'est-ce que c'est? C'est que des tribus qui se battent contre d'autres tribus. Quand est-ce qu'ils arrêtent de se battre? Hein? Dans Al-Ashhur al-Hurum, dans les 4 mois sacrés. Les 8 autres mois, c'est que de la guerre. Et quand le mois sacré il arrive, ils font comme s'il ne s'est jamais rien passé entre eux. Ils se croisent, ils font du commerce, etc. Mais qui était épargné de tout ça? Quraysh. Comme c'était les gens du haram, eux ils pouvaient voyager au Chem et voyager au Yémen. Ils avaient des pactes avec toutes les tribus sur la route, comme quoi personne ne leur ferait rien du tout. Donc à part des bandits de grand chemin, au Tarak, ça pouvait arriver. Mais sinon, les tribus arabes, ils n'attaquent pas Quraysh. Donc en fait, Allah leur a rappelé cette ni'ma. En leur disant, c'est grâce à moi que vous avez cette ni'ma. Et ce voyage, et personne ne vous embête. Et vous avez cette sécurité. Et ça nous rappelle que, eh bien, pour nous, ça nous rappelle que, qu'est-ce qu'on en retire de cette sourate comme enseignement? Que l'âme, c'est un grand bienfait. La sécurité, le fait de vivre tranquillement, de ne pas vivre en guerre, de ne pas se faire massacrer, tout ça, ça, c'est un très grand bienfait d'Allah. Allah l'a rappelé à Quraysh. فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يتعرضوا لهم في أي سفر أرادوا. Donc il dit, Allah a détruit ceux qui leur voulaient du mal, les gens de l'éléphant. Et il a fait que le haram, il soit très important, et que les gens du haram soient très importants dans le cœur des Arabes, et que personne ne s'attaque à eux dans n'importe lequel de leurs voyages. C'est-à-dire que s'ils voulaient voyager, ils pouvaient le faire, personne n'allait les embêter. Donc tout ça, ça vient de qui? Ça vient d'Allah. Grâce à ce qu'Allah a fait, Quraysh ont eu cette place et ont profité de cette ni'ma. وَلِهَذَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالشُّكْرِ. Donc c'est pour ça qu'après, juste après, Allah dit فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Allah leur rappelle son bienfait pour leur dire ils doivent être reconnaissants. فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Qu'ils adorent le Dieu de ce temple, au lieu qu'ils arrêtent d'adorer les idoles. أي لِيُوَحِدُوهُ وَيُخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَ. C'est-à-dire qu'ils l'adorent seul et qu'ils lui vouent exclusivement leur culte. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ فَرَغْدُ الرِّزْقِ وَالْأَمْنُ مِنَ الْمَخَاوِفِ مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ الدُّنْيَوِيَّةِ. Il dit donc le fait d'avoir beaucoup de rizq, comme nous maintenant, on mange toutes sortes de céréales, si tu veux de la semoule, il y a de la semoule, tu veux du riz, il y a du riz, tu veux des pâtes, il y a des pâtes, tu veux, je sais pas, de l'orge, il y a de l'orge, on a tout ce qu'il faut. Tu veux de la semoule blanche, il y a de la blanche, tu veux de la complète, il y a de la complète. Dans les fruits, tu veux tous les fruits, il y a des fruits. Tu veux pas des fruits, il y a des légumes. Si tu veux pas de la viande, il y a du poisson. On a tout ce qu'on veut. Donc il dit ça, c'est un des grands bienfaits de la vie d'ici-bas. Et également, Al-Amnu min al-Makhawif. Alhamdulillah, nous quand on rentre le soir, on ferme notre porte à clé, bon, on est quand même tranquille. On se dit pas, il y a des bandes qui passent dans les villes, qui pillent les gens, qui massacrent les gens. On est tranquille. Et ça, on s'en rend pas compte, malheureusement. On croit que c'est normal. C'est pas normal. Si vous lisez l'histoire de l'humanité, c'est pas comme ça que la plupart des êtres humains, ils ont vécu. Et si on regarde ce que les gens ils vivent autour de nous dans le monde, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, ils vivent pas comme nous. Ils vivent pas cette sécurité, ils vivent pas cette abondance de nourriture, de biens, etc. Donc c'est quelque chose qui doit nous appeler à être reconnaissant envers Allah. Donc Allah a rappelé ça à Quraysh pour leur dire, normalement, vous devriez adorer Allah et arrêter d'adorer les idoles, puisque c'est grâce à lui que vous avez tout ça, que vous avez cette aisance et que vous avez cette sécurité. Ça fait combien de temps qu'on fait court? Un peu plus d'une heure. Bon, on s'arrête là, Inch'Allah. On continuera la fois prochaine. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.